France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Regardez la peinture, une peinture, de tous ses yeux. La photographier, puis examiner la photo, cette photo, pour découvrir les détails de la peinture. En 2003, Daniel Arras proposait une histoire rapprochée de la peinture, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Andrea Mantegna, Antonello de Messine, étaient au menu de l'épisode qui vient. Histoire de peinture. Aujourd'hui, la peinture au détail. En fait, j'aime les paradoxes, je veux dire. J'aime les paradoxes parce que je pense que la solution du paradoxe, quand elle est trouvée, eh bien, elle fait avancer la réflexion. Un paradoxe résolu, c'est un pas de fait dans la compréhension d'une question, ou aussi, ça peut être un pas de fait dans la mise de côté d'un faux problème. Bon, et donc, les paradoxes m'intéressent. Et donc, je reconnais que j'ai été attiré plutôt, justement, par ce qui faisait écart dans les tableaux de peinture, comme d'ailleurs, si je devais parler d'architecture, dans l'architecture. Mais ça, c'est une autre question. Mais dans les tableaux de peinture, ou les fresques, ce qui fait écart par rapport à l'ensemble, dans l'ensemble, m'a appelé. M'a appelé peut-être depuis toujours, mais à partir du moment où j'avais commencé à photographier sans nécessairement savoir ce que je photographiais, parce qu'on trouve toujours ce qu'on cherche. Mais quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on a peut-être une chance de trouver quelque chose d'inattendu. C'est une gratification considérable que de voir quelque chose qu'on ne s'attendait pas à voir. Et donc, ce qui fait écart m'a toujours attiré, parce que... l'historien de l'art est dans une situation un petit peu triste finalement, parce que à force d'avoir regardé tellement de reproductions, d'avoir visité tellement de musées, dans le fond il a mémorisé les trois quarts des tableaux qu'il aura l'occasion de voir. Il les a mémorisés évidemment par les reproductions ou parce qu'il a vu les musées, etc. Et donc la surprise est de plus en plus rare pour un historien de l'art, et vivre sans surprise est assez triste. Et donc effectivement, comme j'aime bien les surprises, eh bien réussir à ne pas oublier ou à percevoir ce que je m'attendais pas à voir, c'est ce qui m'a attiré dans cette réflexion sur les détails, ce qui fait écart à l'ensemble, mais aussi ce qui peut condenser dans ce minuscule écart la signification de l'ensemble. C'est là que c'est tout à fait... Je vous donne deux exemples. C'est la chambre des époux, la Camera degli Sposi, une de mes pièces préférées dans l'architecture italienne de la fin du XVe siècle, décorée par Mantegna, donc dans le palais ducal de Mantoue. Eh bien, cette chambre des époux, à la voûte, il y a un oculus, c'est-à-dire une ouverture fictive dans la voûte, donnant sur un ciel avec des jeunes femmes, etc. Plus, enfin, dans des personnages peints, il y a 9 putti, c'est-à-dire 9 angelots, qui sont, et c'est ce qu'on lit partout, il y a 9 angelots, parfaitement répartis, 3 devant la balustrade de l'architecture fictive, 3 derrière cette balustrade fictive, parce qu'on les voit donc au-dessus, accoudés sur la balustrade, et 3 passant la tête à travers la balustrade. Bon, donc c'est parfaitement pensé, et tout le monde a toujours réfléchi sur, tiens, 9 putti, pourquoi 9, pourquoi 3 fois 3. Il y a eu de très beaux textes et très intéressants écrits sur ce point. C'est incontestablement, on va dire, le message principal des 9 putti. Mais à force de regarder comme ça, le regard flottant, à la fois dans la salle, puis éventuellement les photos que j'avais prises comme ça, de l'oculus, j'ai vu qu'en fait il n'y avait pas 9, il y en avait 10. Il y en avait un dixième putto, mais ce putto, on ne voyait que sa main qui passait à travers la balustrade, la minuscule main que vous voyez, c'est quelque chose comme 6-7 mètres de hauteur, et une main de bébé passant sur une balustrade, elle n'est pas vraiment faite pour être vue, mais une fois qu'on l'a vue, elle est là, il n'y a rien à faire. Et cette main, juste la petite main qui passait, tenait une petite baguette. Et cette baguette, mais minuscule dans la main d'un bébé, cette baguette, elle arrivait à un point très précis de la fresque, et il se trouve que ce point correspondait à une diagonale essentielle de toute la salle, hein, puisque la moitié de la salle est peinte avec des tentures découvertes, l'autre moitié avec des tentures abaissées. La baguette du poteau invisible indiquait la diagonale séparant le caché du non caché, du dévoilé. Que ce soit par la main d'un deuxième poteau caché, que soit indiqué, dans le fond, le secret du voilé et dévoilé, est évidemment pensé par Mantegna. Bah, ce détail-là, je veux dire, quand je l'ai vu, hein, ça a été un grand bonheur. D'abord, bonheur de le voir, et ensuite, alors, je sais pas, trois semaines ou trois mois plus tard, bonheur de comprendre, hein, ce que, jusqu'où est la petite baguette du poteau. Bon, c'est ce genre, celui de surprise qui m'intéressait, et qui ne peut se voir, qui se voit. Ça peut se voir tout d'un coup, mais je ne pense pas que c'est ce qu'on voit en général tout d'un coup. Ça se voit, ou parce qu'on a passé beaucoup de temps, on connaît tellement que finalement on regarde plus, hein, et à ce moment-là, quand on ne regarde plus, on voit, par exemple. Hein. Ou bien on a pris la diapo sans faire attention, en prenant justement comme ça systématiquement, mais sans réfléchir, mais en s'arrangeant pour tout couvrir. Et quand on regarde avec attention un mois ou deux mois plus tard, tout d'un coup on voit ce qu'on n'aurait pas pu voir sur le coup. Un autre exemple que j'aime bien, c'est le à propos du Saint-Sébastien d'Antonello de Messine, donc le peintre de la fin du 15e siècle. Ce Saint-Sébastien qui aujourd'hui est à Dresde, que je connaissais très bien, Saint-Sébastien Antonello, c'est un des plus grands Saint-Sébastien, non pas en dimension, mais en qualité de la fin du 15e siècle. Admirable construction perspective, admirable idée du saint bouclier par rapport à la ville qui est au fond, parce que étant au premier plan et le point de fuite étant très rabaissé, le saint est monumentalisé par rapport à son architecture, il fait le bouclier de la ville, d'autant plus que les flèches, hein, ne sont pas tirées parallèlement au plan, mais depuis l'espace du spectateur, donc une mise en scène analysée magnifiquement et splendide tableau d'une intelligence, d'une admirable tableau, que je connaissais très bien. Puis je suis allé à Dresde, finalement, hein, des années après avoir vu le tableau en reproduction, j'ai photographié le tableau, sans, comme ça, sans trop réfléchir à ce que je faisais, et de retour chez moi, je me suis projeté mes diapositives, et j'ai eu la surprise de voir que le nombril de Saint-Sébastien était désigné exactement comme un œil. C'était un œil, c'est pas que ça ressemblait à un œil, c'était un œil, hein, il n'y avait pas de problème, c'est un œil qui a été peint là. Bon, et ce nombril, en plus, c'était curieux, parce que, alors qu'il aurait dû être le centre géométrique parfait du corps, puisque le corps est parfait, il se trouve qu'il était décalé, hein, par rapport à ce centre. Et clairement décalé, puisque le peintre avait pris la peine d'indiquer l'axe médian du corps, et de pas mettre le nombril dessus, le mettre à côté. Et bien sûr, j'ai remarqué que si le nombril l'œil était à côté de l'axe central, de l'autre côté de cet axe, il y avait une flèche plantée exactement, hein, qui allait crever dans son deuxième œil. Il y avait donc un échange de regards extraordinaire entre, l'archer de mon espace, c'est-à-dire moi, spectateur, et ce corps de peinture qui avait caché, parce qu'il faut le regarder de très près pour le voir, or le tableau n'était pas fait pour être vu de près, hein, et donc qui avait caché le fait qu'il me regardait, me mettait sous son regard sans que je le sache, pendant que moi-même je croyais que je visais le corps de ce saint. Bon, alors ça lançait une analyse bien sûr magnifique, hein, sur la séduction en peinture et sur l'inamoramento, hein, le fait de tomber amoureux d'un tableau, ce qu'est voulait Antonio de Messine, qui a été décrit comme un peintre enfant de Vénus, un peintre vénusien, un charmeur. Donc j'étais assez content, puis ayant vu grâce à la photo, hein, cet écart, c'est un bel écart, ce nombril-œil, j'ai commencé à regarder les nombrils. Hein, non pas des gens, mais des peintures, des personnages peints. Et alors là, j'étais très surpris de voir qu'il y avait toute une série, en fait, de nombrils-œil. Et alors, il y a Crivelli, il y en a plusieurs comme ça qui ont fait. Jusqu'au XVIe siècle flamand, il y a une très belle Judith tenant la tête d'Holoferne et dont le nombril est un œil splendide. Soit Judith tenant la tête d'Holoferne avec un bel œil au niveau du nombril, c'est pas mal non plus. Et ma surprise est très grande quand, dans une petite église d'Ombrie, je ne sais plus quelle ville d'Ombrie, j'ai vu une fresque populaire qui était une citation du Saint-Sébastien Antonio de Messine, où le type, il n'avait pas tout compris, hein, il n'avait pas tout vu, mais il avait compris le tronc d'arbre, il avait compris un nombre de choses, mais ce qu'il avait vu, c'était le nombril-œil. Hein, et ce, dans une petite liste d'ombre, une fresque populaire, hein, où on retrouvait un œil, alors là, naïvement dessiné, hein, ce qui était caché chez Antonello devenait manifeste chez le peintre local. Bon, bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, une autre histoire de la peinture s'ouvrait, parce que on est amené à, surtout pour un historien qui connaît déjà, enfin qui a vu, ou qui se rappelle à, les grands ensembles, tout d'un coup être surpris par des choses aussi connues, là, une zone de bonheur, des autres bonheurs s'ouvraient à nous. Et c'est après coup, hein, seulement, que je me suis mis à lire les textes. Parce que c'est vrai, de même que je crois qu'on trouve ce qu'on cherche, hein, si on a trop lu, hein, eh bien on retrouve ce qu'on a lu. Et c'est après coup que je me dis, bon, il faudrait quand même réfléchir, qu'est-ce que c'est que cette affaire. Et à ce moment-là, il y a un double constat. Quand j'ai lire les textes lus ou relus, hein, parce que des textes que j'avais lus et que je relisais, je me rendais compte que, en le relisant, la problématique du détail pouvait être présente dans ce texte. Et j'ai constaté deux éléments dans ces textes d'ordre historique. Première donnée générale, c'est que le statut du détail changeait de manière très intéressante dans l'histoire de la peinture classique. C'est que au début, on va dire, c'est-à-dire 14e et 15e siècle, la qualité du détail fait en quelque sorte la qualité du peintre. Il y a de très beaux textes, très courts, mais disant, faisant l'éloge de la vérité du détail dans le tracé des veines de tel peintre, c'est Stefano, le singe de nature à la fin du XIVe siècle, hein, digne d'un médecin. C'est-à-dire le médecin reconnaîtrait hein, le tracé des veines, dit Villani. Bon, donc, et pendant tout un temps, la qualité mimétique du détail est une grande qualité de la peinture pour la vérité qu'elle démontre, la connaissance de la nature qu'elle démontre. Et puis, assez vite, en fait, on voit apparaître le besoin de contrôler le détail. Hein, d'empêcher le détail d'agir par lui-même, d'empêcher ce que j'appellerais sa capacité digressive. Le détail fait digression. Hein, de même que dans un discours, la digression est un agrément, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue, dit Quintilien, parce que sinon on perd le sujet. Bien, de même, le détail est un agrément, mais il ne faut pas qu'il fascine trop, parce que sinon on perd l'ensemble du tableau. Et là, il y a de très beaux textes. Alors là, à partir du 16e, les textes commencent à apparaître, et contre la précision ou l'accumulation de détails précis, fascinants, du détail iconique, c'est l'éloge de ce qu'on doit appeler le laconisme, et qui à l'époque s'appelait la brevita, hein, la brièveté, qui fait qu'on ne décrit pas tout, hein, parce que sinon on se noie dans les détails. Et cette articulation, elle est pour les gens du XVIe siècle l'articulation entre Giovanni Bellini et Giorgione. Par exemple, Giorgione, c'est le peintre du laconisme, parce qu'il ne décrit pas tout, alors que Bellini, c'est le peintre de description minutieuse du moindre détail. Bon, donc il y avait cette critique sur la capacité digressive du détail. Puis autre élément très intéressant que dans ce constat sur le statut du détail, c'est le fait, la recommandation, l'ordre hein, donné au spectateur de rester à distance du tableau, de ne pas aller trop près. Alors ça, c'est très intéressant, parce que j'ai évoqué le Ut pictura poesis hein, d'Horace, hein, qui est un des piliers de la théorie classique de la peinture. Hein, il en est de la peinture comme de la poésie. Encore une fois, ce n'est pas ce que dit Horace. Hein. Horace dit précisément, il en sera comme de la poésie comme de la peinture, une te plaira de près, l'autre de loin. Horace savait très bien ce qu'il disait. Il y a deux façons de regarder. Hein. On peut regarder ou lire de près ou de loin. Eh bien, on voit Roger de Pile, hein, le maître des coloristes, hein, enfin le chef de file, on va dire, des partisans du coloris à la fin du 7e siècle en France, écrire, comme l'a dit Horace, Ut pictura poesis, un tableau ne doit pas se regarder de près. C'est extraordinaire, parce qu'il cite le texte en latin, et ensuite il le traduit avec, évidemment, un contresens, mais parfaitement volontaire. Il y a des raisons stratégiques pourquoi Roger de Pile fait ce contresens. Parce que si on regarde de près, qu'est-ce qu'on voit, dit ailleurs Roger de Pile dans son cours de peinture par principe? Eh bien, on voit la machinerie du tableau. On voit la machinerie, on pourrait presque dire la machination du tableau. Un tableau, ça trame quelque chose par rapport au spectateur, et à venir trop près, il faut laisser ça aux spécialistes. Hein. Le public doit rester loin. Mais Roger de Pile se contredit, puisque ailleurs il dit... Un grand tableau t'appelle à venir tout près comme s'il y avait quelque chose à te dire. Donc il y a cette volonté de contrôler l'effet dislocateur hein, du détail, qu'il soit iconique ou qu'il soit pictural. Et alors là, ce qui devenait très intéressant, mais ça reste à faire, hein, ce sont des pistes de réflexion, c'est qu'en fait, depuis Alberti, hein, en 1435, premier grand texte de théorie classique, le De Pictura, jusqu'à Baudelaire, le statut du détail est incertain en peinture parce que le détail trouble. Le détail trouble, et le détail, le terme qu'emploie Alberti, c'est « il fait du tumulte », il faut éviter que l'histoire ne fasse du tumulte, et le tumulte, c'est un terme politique, dans le latin d'Alberti, c'est le tumulte des Ciompi, hein, de la fin du XIVe siècle, et Baudelaire parle de l'émeute des détails. Et Roger de Pile dit « un tableau est un tout politique ». Donc ça, c'est très intéressant de dire qu'à travers le détail, surgit d'un coup la possibilité de voir que, non seulement la peinture, ça représente, mais la peinture est aussi une pensée politique. Un tableau est un tout politique, ou comme dit Roger de Pile, les grands ont besoin des petits comme les petits des grands. Bon, ça, c'est le premier constat que j'avais fait hein, sur le statut incertain du détail dans la théorie classique. Le deuxième constat, du point de vue historique général, c'est que la problématique que j'étais en train de lever hein, et de constituer comme ça, eh bien, n'est plus valable pour l'art contemporain. C'est-à-dire, il y a toujours des détails dans l'art contemporain, hein, aussi bien particulaire que détail. Mais la problématique, si on voulait analyser le détail, la fonction du détail dans l'art, on va dire du XXe siècle plutôt que contemporain, eh bien, on ne peut plus utiliser hein, les mêmes concepts ou outils que pour la peinture classique. Et ce constat, à la fois un peu décevant, de sa manière, je devais bien arrêter mon histoire quelque part, en fait, était positif parce que, de sa manière, il confirmait la cohérence de cette analyse du détail à l'intérieur d'une pratique classique de la peinture. C'est une pratique d'imitation. Et puis, à partir de là, bien développement inattendu ont commencé à se produire parce que le regard rapproché, le fait d'être plus près de la peinture, faisait surgir ce que j'ai appelé l'intimité. L'intimité du peintre dans le tableau ou de la peinture dans le tableau. Et donc le discours devenait inévitablement complexe. Hein, le discours se complexifiait. Il était beaucoup plus problématique que ce discours clair que tient l'histoire de l'art quand elle regarde de loin. Gombrich a pu dire, je crois que c'est dans Norm and Form, dans ses textes de Norm and Form, que toute œuvre d'art a un seul sens dominant. Only one meaning, dominant meaning. Alors, non, hélas. J'admire beaucoup Gombrich, mais le positivisme a tout de même parfois des limites. S'il est vrai qu'une annonciation est d'abord une annonciation, ça c'est sûr, ou qu'une vierge à l'enfant est d'abord une vierge à l'enfant, s'il n'y avait que cela, toutes les annonciations seraient pareilles, et toutes les vierges à l'enfant seraient identiques. Donc évidemment que le dominant meaning, c'est vierge à l'enfant ou annonciation, mais que le sens spécifique de ce tableau dépend absolument de la façon dont il a été traité, d'autant plus dont le sujet a été traité, et encore plus spécifique dès lors qu'on s'approche de la surface et que surgissent des éléments tout à fait curieux et incertains. Et dans le fond, cette attention à l'écart à l'intérieur de l'ensemble, eh bien, se jouait et se joue à plusieurs registres. À part le de loin de près, il y a aussi le public, privé, intime, qui sont trois problématiques différentes, qui peuvent se jouer dans le même tableau. Il y a aussi commanditaire et artiste. Il est fort possible que l'artiste ait caché dans l'intimité du tableau quelque chose que le commanditaire n'a pas à voir, ou qu'au contraire, à demande du commanditaire, il y met quelque chose que le spectateur ne verra pas. Les enjeux sont à chaque fois différents. Et puis, il est possible aussi que l'artiste ait mis dans le tableau quelque chose dont lui-même ne sait pas éventuellement le sens. Et là, j'ai un exemple qui me trouble toujours, je n'ai pas de réponse, c'est l'incertitude propre à certains types de détails. C'est le magnifique portrait de Madame Moitessier par Ingres, qui est un show de galerie de Londres, portrait que Ingres met des années à peindre. Il commence ce portrait, puis en fait un autre avec une robe noire, il est debout, puis il reprend le portrait. Il fait une magnifique robe à fleurs, un chatoiement de fleurs splendide, un morceau de peinture admirable, sans une touche, d'un lisse parfait de la part de Ingres. Et surprise, non pas un champ de galerie, mais en regardant l'état positif que j'avais fait un champ de galerie, au premier plan, là, mais vraiment au tout premier plan de la robe, à hauteur des genoux de Madame Moitessier, à la perpendiculaire de l'œil qui nous regarde, c'est l'œil droit, je crois qu'il est le plus net de Madame Moitessier, une tache. Une grosse tache, sale, sur la robe de Madame Moitessier. Bon. Et ça, c'est incontestable. Ça a été peint comme tache. C'est pas une ombre. Parce qu'on m'a dit, mais c'est une ombre. J'ai dit, l'ombre de quoi? Il y a rien qui... ça n'a aucune forme, comment dire, on reconnaît un objet. On voit aucun objet proche dans son ombre. Donc c'est une tache. Alors, la tache de quoi? Et là, honnêtement, je n'ai pas de réponse. J'ai fait une hypothèse, évidemment, mais c'est une pure hypothèse, parce que là, on atteint l'intimité même du peintre, d'Ingres, dans son tableau, et il n'y a pas de réponse. Mon hypothèse, c'est simplement que je crois que Ingres admirait beaucoup Madame Moitessier, qui était la réputation de la plus belle femme de Paris, et je crois que dans cette tâche qui vient souiller la beauté parfaite de Madame Moitessier, c'est le désir du peintre qui se marque. Il vient souiller la beauté, mais de Madame Moitessier, en y marquant secrètement, mais au premier plan, c'est la lettre volée, elle est là au premier plan, on ne la voit pas, il vient marquer le désir qu'il a de son modèle. Simplement, l'anachronisme de cette interprétation, il est très fort, parce que j'interprète Bataille, Ingres à l'aide de Bataille, bon. Et donc, Ingres n'avait certainement pas lu Bataille. Cela dit, étant donné que Bataille est un penseur chrétien, et que Ingres était chrétien, la pensée de Bataille peut s'appliquer à Ingres. Mais l'important n'est pas de dire j'ai trouvé. L'important est de préserver l'incertitude. D'arriver à un moment où, justement, l'historien ou l'interprète, aboutit à, comment dire, ne ment pas, C'est-à-dire, parle même de ce qu'il n'est pas sûr de pouvoir comprendre, mais qui est là, qu'il a vu dans le tableau. Histoire de peinture par Daniel Arras. Réalisation Christian Chazalon, Jean-Michel Bernot, Jean-Claude Loiseau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 août 2003.